de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Sans doute connaissez-vous de nom, ou pour les avoir lus jadis, les romans suivants. Réglez-lui son compte, Laissez tomber la fille, Les souris ont la peau tendre, Mes hommages à la donzelle, Du plomb dans les tripes, Des dragées sans baptême, Des clientes pour la morgue, etc., etc. C'était là les premiers romans ayant pour héros le commissaire San Antonio, des titres repris depuis dans la collection bouquins Robert Laffont, 13 tomes parus à ce jour. Mais peut-être êtes-vous moins familier des romans suivants. Cette mort dont tu parlais, C'est toi le venin, Des yeux pour pleurer, Le monde charge, L'homme de l'avenue, La pelouse, Une seconde de toute beauté. 7 romans signés Frédéric Dard, et non pas San Antonio, et que les éditions Omnibus viennent d'éditer sous le titre général de « Romans de la nuit », une facette plus noire de Frédéric Dard. Les facettes multiples de Frédéric Dard, en 1988, Jean-Louis Aisin l'avait rencontré pour une série d'Avoix nues. Avant tout, disait Frédéric Dard, San Antonio, divertir, ne jamais ennuyer le lecteur, ce qui n'empêche pas, évidemment, d'avoir un style. 150 millions d'exemplaires vendus des romans de San Antonio, les romans ayant San Antonio pour auteur, enfin San Antonio auteur ou héros, oui, mais aussi auteur de ses aventures et auteur, dans un sens, de Frédéric Dard, à moins que ce ne soit le contraire. Voici les 3 premiers volets de cette série. Voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Frédéric Dard s'entretient avec Jean-Louis Aisin. Premier entretien. Frédéric Dard. D'abord, faut-il vous appeler Frédéric Dard ou San Antonio? On ne sait plus. Ben, il faut m'appeler mon vieux, quoi. Mon vieux. Mon vieux pote. On va pas se... Non, parce que Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Ah ben, alors, à ce titre-là, San Antonio, c'est moi. Enfin, je veux dire que pour un écrivain, toutes ces créatures sont lui-même. Oui. C'est comme ça que je conçois les choses. Mais alors, tout ce que vous inventez tombe de vous, représente une partie de vous-même. Alors, auquel d'entre vous préférez-vous qu'on s'adresse? Moi, je m'en fiche, enfin, comme vous voulez, suivant votre convenance. Vous pouvez m'appeler Béru, Pinault, le vieux, même Félicie. Félicie aussi? Aussi. Racontez-nous un peu votre vie. Vous êtes né où? Ça, alors là, vous démarrez bille en tête, hein? Ah oui. Ça, c'est une question avec laquelle il faut faire, comme dit l'autre. Ben, écoutez, je suis né dans un coin... réputé pour ses écrivains, ah oui, qui est Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu est une petite ville du Bas-Dauphiné entre Grenoble et Lyon. Oui. Et non, je dis réputé pour ses écrivains, j'en connais pas d'autres. Il y en a deux au moins, quoi, déjà. On sait. Oui, il y a San Antonio et Frédéric Dard qui sont de là-bas. Bon, c'est une ville, je sais pas, de 30 000 habitants, sans histoire, apparemment. Qui est... Enfin, moi, je la trouve sympa, bien entendu, puisque c'est mon pays. Je l'ai quitté assez jeune, parce que c'était l'époque où la crise sévissait sur l'Europe, dans les années 30, début des années 30. Et mon père, qui avait une petite entreprise de chauffage central là-bas, a plongé avec pas mal de gens. Et nous sommes exilés, entre guillemets. Alors, nous sommes exilés, ça veut dire qu'on est allé habiter à 12 kilomètres de là, dans un adorable pays qui s'appelle Saint-Chef. Saint-Chef en Dauphiné, qui est médiéval. Il y a une église abbatiale, il y a des ruines. Quand on creuse les canalisations, on trouve des têtes romaines dans le caniveau. Enfin, c'est un pays, comme je les aime, ruisselant de le passé à fleurs, vous voyez. C'est un endroit merveilleux où j'ai passé, alors là, quelques années. Et puis, au bout d'un certain temps, mon père s'est refait quelque peu une santé. Nous sommes allés à Lyon. On a tous mis le cap sur Lyon où les choses dites sérieuses ont commencé. Je parle des études, enfin, pour moi. Mais avant les choses sérieuses, cette enfance, comment a-t-elle été ? Votre père avait une entreprise de... Oui, mon père de avait... chauffage central. Oui, mon père avait une entreprise de chauffage central, sanitaire, enfin... c'était pas une très grosse boîte, bien entendu. Je crois qu'il devait avoir une dizaine d'ouvriers, mais enfin, c'est la bonne petite boîte de province. Oui. Alors, je me rappelle qu'un jour, un dimanche, où j'étais seul, j'aimais aller dans cet atelier. L'odeur de la ferraille est une odeur qui est assez grisante, vous savez. Puis il y avait une forge, il y avait toujours encore des choses qui couvaient dans cette forge, des petits brandons, si on grattait bien, c'était... moi, ça, je sais pas, j'étais troublé, vous voyez, par l'ambiance. Et je me rappelle qu'un dimanche, donc, j'avais trouvé un grand pot de minium, hein. Et trouvant cette couleur très belle, j'ai peint absolument tous les outils au minium. C'est-à-dire il y a l'enclume, les étaux, enfin, tout ce qui était peignable, tout ce qui était en métal est peignable. Et alors ça avait d'un seul coup un côté pimpant. Et je veux dire que de nos jours, ça surprendrait peut-être pas, parce que quand j'entre chez les quincaillers, maintenant je trouve que c'est joli. Mais avant, c'était ternasse. Je veux dire, quand j'étais enfant, toutes les voitures étaient noires. On a oublié, enfin... On a une bonne raison pour oublier, c'est qu'en fait, des gens qui ont connu ça, il y en a de moins en moins. Oui. Mais c'est quand même un fait, le monde était terne avant. Oui. Il n'était pas beau à regarder. C'était dans quelles années, ça ? Ça, c'était dans les années 30, toujours, au début des années 30. Bon, je suis des années 20 et... Des années folles. Des années folles. Mais les années folles, elles étaient peut-être folles d'un certain côté, mais enfin, je veux dire que la vie était grise. La vie était grise, elle était sombre. Sombre au point de vue couleur. Et c'est marrant parce que je me suis jamais tout à fait habitué à cette mode nouvelle qui fait qu'on donne des couleurs à des choses qui, dans mon enfance, n'en avaient pas. Voyez. Et alors, j'avais donc peint tout au minium, je vous dis, et je me rappelle toujours, je croyais faire une joie immense à mon père, je trouvais que c'était vachement beau à l'œil, quoi. Et puis, quand il est arrivé, ça a été, enfin, il a hurlé, etc. Mais pas trop, parce qu'il a vu, c'était un homme merveilleux, et il a vu combien j'étais déconfit. Combien j'étais triste d'avoir raté le coup, enfin, d'être passé à côté de la gagne. Mais c'était, ça, c'est l'époque de l'atelier, c'était chouette et j'ai beaucoup pleuré. D'autant plus que quand il a fait ces mauvaises affaires dont je vous parle, ça a été mis en adjudication, comme on dit. Je connais bien le terme, vous voyez, je me le rappelle. Et j'ai vu vendre le mobilier de chez nous. Parce que j'étais très copain avec, j'avais une petite camarade qui était vraiment avec qui j'ai connu, je crois, les prémices de l'amour, bien que nous ayons, je sais pas, 8-9 ans à l'époque, vous voyez. Et nous allions nous cacher dans un grenier. J'avais des intentions très, très précises. Mais enfin, je veux pas dire non plus qu'elles allaient trop loin. Mais enfin, tout de même, il y avait un petit côté frotti-frotta que j'aimais. Et depuis ce grenier, où je me trouvais le jour de la vente, j'ai assisté à la vente. Et vous pouvez penser, je crois que ça a été un des premiers grands chocs de ma vie, dans ma jeunesse. C'est-à-dire que brusquement, la chose qui m'a le plus marqué, c'est j'ai une sœur, dont on parlera peut-être par la suite, parce qu'elle a une grande place dans ma vie, qui avait 8 ans de moins que moi, donc elle était tout à fait bébé. Oui, je devais avoir à peu près 9-10 ans, vous voyez. Et elle avait un petit fauteuil d'osier, comme on faisait à l'époque, un tout petit fauteuil, vous savez. Et je me rappelle que ce fauteuil a été vendu 2 francs. Et je ne peux pas vous expliquer ce fauteuil qui symbolisait ma sœur, ce qui symbolisait le foyer, la douceur de la nouvelle venue, devoir foutre le camp, devoir vendre. Et il y a une espèce de cruauté. Et puis, le plus cruel de tout, c'est l'indifférence dans laquelle tout ça se déroule. Vous comprenez, c'est tous ces gens qui se mettent à manipuler des choses qui sont sacrées puisqu'elles sont vôtres, puisqu'elles ce sont des objets de votre famille, de votre père, de votre mère, du clan, hein, puis qui foutent le camp comme ça et qui n'ont plus qu'une espèce de valeur marchande avec un surenchérissement bête, minable. Et ça, je peux vous dire que ce jour-là, j'ai pas tripoté ma petite camarade. J'étais vraiment saisi, cloué. Je pleurais même pas. Je crois que c'était ailleurs, c'était une espèce de... Au contraire, j'ai contracté une espèce de, je sais pas, d'esprit de revanche. C'est-à-dire que je crois, confusément, je ne veux pas faire de trémolos de la littérature à 3 balles, j'en fais assez dans la journée, mais je veux dire que je me suis lancé un défi à moi-même. Je me suis lancé un défi, je me suis dit un jour, je reviendrai. Un jour, je reviendrai ici. Je savais que nous partions, que c'était la débâcle, parce que j'avais tout pigé, puis que mes parents me tenaient au courant de tout. Et je me suis juré à ce moment-là, je reviendrai et je serai riche. Et je serai un rêve de puissance. J'ai jamais été riche. Bah, tout est relatif. Bon, je suis aisé, je gagne bien ma vie. Et puissant, je suis pas puissant. Mais je veux dire que j'ai... enfin, vous m'interviewez en ce moment, quoi. Mmh. C'est ce qui fait la différence avec mmh. l'homme de la rue. Mmh. Eh bien, je veux dire que chaque fois que je repasse dans mon pays natal, où j'ai conservé quelques bons copains, j'ai une poignée d'amis, mais des vrais, de ceux qu'on n'a pas besoin de voir tout le temps pour les aimer, vous voyez. Mmh. Donc des vrais. Eh bien, quand je repasse là-bas, il y a toujours le petit panier dans ma tronche, le petit panier d'osier qui est là, et je crois qu'à cause de lui, mon retour a une signification. C'est bête. C'est une revanche sur le... C'est une revanche. Sur le panier d'osier. Oui, c'est une revanche. Mais je remarque que vous avez donc un peu commencé dans la vie en repeignant le monde au minium. Il y a déjà San Antonio là qui perçait sous... Ben déjà San Antonio devait percer. Mais depuis, vous avez largement étendu votre palette de coloris, je dirais, non? Ah ben depuis, oui, je crois que j'ai dû me surpasser. Ouais. Comment s'appelaient vos parents? Mon père s'appelait Francisque. Francisque ? Francisque, comme la Francisque du Maréchal, sauf qu'il n'y avait aucun point commun, je peux vous le dire. Et ma mère s'appelait Joséphine, et j'ai donné son prénom à ma dernière fille. Oui. Oui. Et Francisque, il tenait ce prénom de... Je ne sais pas, vous savez, c'est les mystères des familles, parce qu'il y a eu un nom qui... Moi, je m'appelle Frédéric, parce que ma grand-mère avait épousé en seconde noce... un monsieur très bien qui s'appelait Frédéric, à qui on avait demandé d'être mon parrain, et qui a dit « je veux bien condition qu'il porte mon nom », ce qui a fait un petit peu hésiter mes parents, parce que Frédéric était très suranné, très c'est un prénom relégué à l'époque. Puis il est revenu à la mode, c'est pas j'y suis pour rien, mais je veux dire que vous savez, tout c'est cyclique. Oui. Alors des prénoms qui faisaient rigoler, qu'on donnait aux vaches autrefois, maintenant on en fait les beaux dimanches du 16e. Oui. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez très lié à vos parents dans cette épreuve en particulier. Ah non, mais j'ai été très lié. Je veux dire que... Vous avez eu une éducation... Mes parents étaient des gens justes. Oui. Justes et des vrais parents. C'est-à-dire que des parents qui savent se montrer sévères quand ils comprennent que l'éducation du môme en dépend, mais qui apportent tant d'amour, y compris dans leur... pas dans leurs corrections, parce que je peux compter sur les doigts de la main les corrections véritables que j'ai pu recevoir. Mais je veux dire, ils mettaient tant d'amour dans tous les moments de la journée que c'était un enchantement. Vous voyez, alors la famille, pour moi, c'était quoi? Ben, c'était mon père et ma mère, bien sûr, ma sœur dont je vous ai déjà parlé, et puis c'était aussi une grand-mère, la mère de mon père, qui me prenait beaucoup chez elle. Elle était veuve. Elle était veuve de ce monsieur qui m'a donné son prénom. Et je lui ai voué un culte, quelque chose de phénoménal. Je veux dire qu'elle a été... Elle a masqué mes parents dans mon enfance. Mmh. Et même une enfance assez tardive, jusqu'à l'adolescence. Elle prenait le pas. Peut-être pas au plan de l'affection, je ne sais pas. Il faudrait... puis quelle importance, enfin je ne vais pas me faire psychanalyser pour déterminer ça, personne, tout le monde s'en fout. Mais je veux dire que vraiment elle était une espèce de paravent, elle me fascinait. Elle avait une emprise, mais je lui dois beaucoup, je lui dois surtout une chose essentielle, c'est qu'elle m'a appris à lire. Ah oui. C'est elle qui vous a donné le goût de la lecture. Elle m'a donné le goût de la lecture, mais d'une façon, c'était, elle était, je veux dire, jusqu'à la folie. Ah oui. C'est-à-dire que, oui, enfin, jusqu'à la folie, tout est tout transi chez moi, il va falloir vous y habituer pendant cette émission. Mais elle, par exemple, elle me lisait des livres. Hein. Elle me lisait, mais on lit à un gosse pour l'endormir. Mais elle m'a rendu insomniaque. Je veux dire que quand je m'endormais, au lieu de baisser la lumière, la voix d'abord et puis la lumière ensuite, elle me secouait parce que c'était un moment palpitant d'une histoire de gosse. Mmh. Mais enfin, elle me secouait puis elle continuait de lire. Et alors, progressivement, elle m'a rendu insomniaque. Je m'endormais à 2h du mat. Moi. Et elle me lisait. Et dans la journée, comme elle avait pas le temps, il fallait vaquer aux occupations. Enfin, vous voyez. Oui. Alors, elle m'apprenait à lire et moi, je me suis mis à lire. Je me démerdais. Je marchais en circuit fermé. Je me branchais, vous voyez, sur la lecture tout seul. Et c'était. Mais j'avais un tel appétit de ça que tout naturellement, je suis absolument convaincu, mais formellement, que c'est d'elle que vient ça. Elle a planté, vous voyez. Elle a gratté la terre. Elle a mis la graine. Et est-ce que vous tartiniez déjà? Très vite, j'avais envie d'écrire, de composer. Je veux dire qu'avant de savoir écrire, j'ai écrit. J'ai tracé des mots parce que je savais qu'ils étaient porteurs de merveilleux, que le merveilleux passait par ça, quoi, que c'était la clé. C'est la musique, c'est ça, c'est les notes. Et comment vos parents accueillaient-ils cette vocation balbutiante? Très bien. Je dois dire que j'ai jamais été contrarié. Ma mère, qui avait les pieds sur la terre, qui était fille de paysan, elle était un petit peu plus... le côté, c'est bien joli tout ça, mais il faudrait voir à prendre un métier, quoi. Oui. Avoir une situation stable. Elle pouvait pas prévoir, et qui donc aurait pu qu'en inventant des histoires, on puisse largement gagner sa vie, quoi. Alors, elle était un peu inquiète. Elle était inquiète, pas... même pas réticente, inquiète. Et son inquiétude me freinait un peu parce que je tenais compte de tout. Mais mon père, c'était le contraire. Lui, c'était vas-y, si tu le sens, faut le faire. Il m'encourageait tout le temps. Ma grand-mère, mon père, c'était fonce, vas-y. Ça a été merveilleux, quoi. Ils m'ont survolté. Et pendant ces années-là, quelles étaient les distractions de cette famille? Est-ce qu'il y avait la TSF, par exemple, qui était naissante? Non, alors la TSF, je vais vous dire, moi, la première TSF que j'ai vue, c'est mon père qui l'a fabriquée dans une boîte à cigares, qui ne lui appartenait pas parce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter des boîtes à cigares pleines. Et il les demandait à son buraliste de lui en donner une, vous savez, les cigares, les voltigeurs, les diplomates, je me souviens, qu'on vendait au détail à l'époque. Et dans une boîte à cigares, il s'est confectionné un poste à galène. Comme il était très bricoleur, qu'il savait tout, il avait un schéma, un opuscule quelconque qu'il potassait. Puis il avait son casque, son casque d'écoute, comme l'ingénieur du son, là, mais plus rudimentaire. Et puis, il y avait un petit curseur, il piquait sur ce qu'on appelait la galène, qui est un minerai, vous savez, un petit. Et alors, il fallait titiller là-dessus pour arriver. Alors, mais vous dire, on entendait un magma de son, vous voyez, mais c'était magique. Quand on arrivait à choper une syllabe, c'était la victoire. Vous comprenez? Je veux dire que c'était un puzzle de dire, il a entendu Londres. Il a dit Londres. T'as entendu? C'était Londres? Tu crois que c'était Londres? Oui, c'était Londres. Ah oui? Et jamais un radioconcert, alors il y avait ça déjà, non? Il y avait des radioconcerts, non mais on sortait peu. Alors par contre, mes parents m'emmenaient à l'opéra. Ils étaient fanas d'opéra, l'opéra de Lyon, ça je peux vous dire que je me suis respiré tout le répertoire. Oui. Et ça a été le début pour moi d'une grande jubilation. Je pense que si dans les Santonio après je suis devenu aussi désinvolte vis-à-vis de l'opéra, c'est parce que moi, j'arrivais jamais à comprendre. J'étais un môme. Il y a une très belle expression, j'ouvre une parenthèse, mais vous inquiétez pas, je reviendrai à mon sujet. À Lyon, les dernières galeries, celles où nous allions, puisque nous étions pas riches, ça s'appelait les frères des quatrièmes. C'est marrant. Oui. C'était les quatrièmes galeries, on appelait ça les frères des quatrièmes. C'est joli comme, c'est joli, oui. comme appellation. Et alors, il fallait faire la queue longtemps avant l'ouverture des portes. Et je me rappelle toujours, ma mère était une dame assez forte de qui je tiens. Et quand on faisait la queue, là, mon père au contraire, Lui, c'était photocopie, vous voyez. Et alors, quand les portes s'ouvraient, on faisait la rue au Baba, hein. Ah oui. Et on grimpait. Il fallait se respirer 4 étages, mais c'était forcené. Ah oui. C'était le cuirassé Potemkin à l'envers. Les mecs grimpaient à toute allure. Et alors, on montait avec papa, hein. Maman ramait dans le flot derrière. Et puis, on arrivait et on se serrait, on prenait de l'air. Et les gars disaient, non, ça va pas, on retient pas ici. On retient pas, hein. Et alors, vous savez, on se gonflait pour laisser une place à ma mère qui avait la plus importante à prendre. Et quelquefois, je m'asseyais sur les genoux de mon père quand ça jouait. Bref, j'ai vu donc ces opéras de tout là-haut. Alors, je les voyais gros comme un bon poste, quoi. C'était sur petit écran. Vous savez, les tout petits écrans japonais qu'on trouve là de télé. Oui. Ben, l'opéra, j'en ai pris connaissance comme ça, un peu. Là aussi, c'était une syllabe alors, de temps en temps. Non, parce qu'à point de vue acoustique, ces boîtes sont bien foutues. Mmh. Oui, ça montait bien. Mais ce que j'arrivais pas à comprendre, moi, dans l'opéra, c'était je meurs, c'était... Et puis la dame ou le monsieur mourait jamais, vous savez, où il mettait un quart d'heure à chanter qu'il mourait, ou bien je pars, et puis on part pas. Je trouvais quelque chose de grotesque. Ah oui. J'ai toujours été, freiné par le fait, d'abord, qu'on chante du quotidien. Je suis pas parapluie de Cherbourg, moi, du tout, encore que je reconnaisse que c'était réussi. Et ça n'a rien à voir avec véritablement l'opéra. Mais le quotidien chanté, nous allons manger, nous allons faire quelque chose, moi, je trouve ça con. Le chant, c'est quelque chose de lyrique, c'est quelque chose qui vous emmène promener. Ah oui. C'est un dépassement. Ça vous emmène ailleurs. Si c'est pour dire des banalités en chantant, c'est pas la peine. Mmh. Mais enfin, c'est une digression sur l'opéra. Oui, vous avez un point de vue sur la question qui est très... Oui. Hein. Mais c'est très curieux, finalement, cette enfance très baroque entre la plomberie, les lectures forcenées, l'opéra. C'est très culturel aussi, ce... Quelque part, peut-être, si on veut bien regarder les choses de près, oui. Oui, c'est culturel. Mmh. Oui, parce que c'était plein de bouquins, je vous dis, et d'opéra, de spectacle. Et est-ce qu'on vous emmenait au Guignol à Lyon, là ? Non. Au parc de la Tête d'Or, non ? Non. Non ? Guignol, ça représente rien ? Non, parce rien, que je vais vous dire, pas grand-chose, parce que quand je suis arrivé à Lyon, j'avais 13 ans. Hein. Bon, ah, oui. C'est plus l'âge de Guignol, 13 ans. J'y suis allé, j'ai vu un ou deux spectacles de Guignol, que je trouvais assez débiles, très honnêtement. Hein. Bon, c'est gentil, Niafron, Guignol, les coups de bâton, le gendarme... la mère Cotivet, en fait tous les personnages de haute Grèce lyonnais. Oui. Mais enfin, c'était pas ma tasse de thé. Non, moi, alors, par contre, j'étais fasciné par le cinéma. Ah oui. Seulement le cinéma, c'est. Alors, on faisait une chose, c'est le dimanche, ma mère restait bien sûr à la maison. Ma mère, c'était je sais pas, c'est quelqu'un. Comment vous dire ? Je sais pas, les mots me trahissent. C'était une espèce de soumission consentie, d'abnégation. Voilà, c'était l'abnégation. Oui. Vous voyez ? Alors, elle faisait une chose, elle nous donnait quelques sous, parce que c'est elle qui tenait les cordons de la bourse. Mmh. Hein. Papa ramenait sa paye, et s'il avait bu un coup, s'il avait tendance à faire. Sur la paye, il y avait scène à la maison. Mmh. Alors ça gueulait très fort parce que ça tenitruait pas mal chez nous. C'était la tendresse sur lente un peu. Hein. Et donc, maman nous donnait quelques sous. Et moi, je m'arrangeais, je resquillais sur mon tramway. Mmh. Pour aller en classe, je prenais ce qu'on appelait le ticket ouvrier à l'époque. C'est-à-dire qu'il donnait... Oui, j'avais droit à 4 voyages. L'aller-retour du matin, l'aller-retour de l'après-midi. Mmh. Voilà l'école. Alors, je prenais un seul aller-retour et je composais, je m'arrangeais pour faire deux des 4 trajets à pied. Mmh. Bien que ça, y a une sacrée distance. Ah oui. Mais j'étais jeune, ça faisait du bien. Et alors, avec la différence du ticket, vous comprenez, il y en a un qui valait, je sais pas, mettons 2,50 francs et l'autre 1 franc. 1,50 franc, avec le franc, enfin je vous dis des chiffres qui ne correspondent plus, bien sûr, avec la différence, ben je faisais un petit magot dans la semaine qui me servait à acheter des cigarettes à mon père, parce que c'est un gros fumeur, et que comme il n'avait pas beaucoup d'argent, ça lui coûtait, et j'achetais des cigarettes au détail. On achetait des cigarettes au détail, on pouvait acheter une, deux cigarettes si on voulait, dans les bureaux de tabac. Alors j'achetais des cigarettes à mon père et je mettais ce qui me restait pour qu'on puisse aller au ciné. Ah oui. Alors quand on était fortuné, entre guillemets toujours, quand on était fortuné, bon, on allait dans un cinoche normal. Mais il existait à Lyon, comme dans toutes les autres villes, je suppose, il existait des cinémas plus que populaires. Je veux dire qu'à l'époque, c'était les Arabes qui allaient là. Vous voyez, c'était donc du cinéma vraiment minable, quoi. Et nous allions dans ces cinoches parce qu'on avait terriblement envie de ciné. Et puis qu'au fond, les grandes vérités d'aujourd'hui, je les ai découvertes très tôt. Oui. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'une salle d'arabe, à l'époque, elle était moins bruyante qu'une salle d'autochtones, vous voyez ? Oui. Mais oui, c'était, je veux dire, il ne se passait rien. Les gens battaient. On disait, ah non, c'est les sidis. On appelait les sidis à l'époque, c'est marrant. Les sidis. Oui, ma mère disait, vous allez aller dans le cinéma de sidis. Alors, on disait, mais oui. Puis mon père disait, mais t'inquiète pas, je suis là. comme si ça nécessitait, vous savez, un colt pour aller avec ses braves mecs regarder un film. Quoi. C'est absolument aberrant. Et vous vous souvenez des films que vous avez vus là ? Oh oui, j'ai vu des films avec Henri Gara, j'ai vu des films surtout avec Albert Préjean. Alors quand il y avait Albert Préjean, ma mère se débrouillait pour venir parce qu'elle avait le coup de cœur. C'était le Belmondo de l'époque, vous savez. Albert Préjean, ça représentait vraiment, c'était l'idole des femmes, c'était l'homme à femme. Et par la suite, quand je suis venu à Paris, un jour, j'ai rencontré des amis qui me disent, on a un copain qui aimerait bien te connaître, qui adore tes livres, c'est Albert Préjean. Alors j'ai dit, oh mon Dieu, mais bien sûr que je veux le connaître, mais oui. Et j'étais avec Albert, la première fois que j'ai été avec Albert Préjean, j'ai téléphoné à ma mère qui habitait Lyon, je vous parle des années plus tard, bien sûr, j'étais marié. Et je lui dis, maman, tu sais avec qui je suis avec Albert Préjean. Et alors, elle a poussé un cri d'orgasme, mais c'est pas vrai. Vous savez, je lui ai dit, écoute, je vais te le passer. Et la pauvre femme, je croyais entendre les battements de son cœur. Et je lui ai passé Albert Préjean. Et Albert lui a dit bonjour madame. Enfin, lui a dit deux ou trois mots très gentils. Vous avez un fils adorable. Enfin, des trucs comme ça. Et ma mère, elle en claquait des dents d'émotion, quoi. Alors, quelle sorte d'études avez-vous faites ? Oh, ben, j'ai fait vous appeliez tout à l'heure les affaires sérieuses. Oui, non, mais enfin, quand j'appelle ça les affaires sérieuses, c'était vachement pompeux. Parce que comme étude, ça ressemblait plutôt à un mur de chiottes. Je veux dire que mes parents, toujours soucieux, enfin, particulièrement à l'instigation de ma mère, de me donner un métier, m'avaient foutu dans une école commerciale. Une école qui s'appelle La Martinière à Lyon, qui existe toujours, je crois, du moins. Et puis, oui, qui existe toujours. Et pour que j'apprenne la comptabilité, j'étais en section comptabilité. Comptabilité, oui. Ah bon. Alors moi, vous comprenez, maintenant quand on me connaît, alors je peux vous dire que ça peut être triste. Je me souviens tout de même que le premier San Antonio s'appelait Réglez-lui son compte. C'était avec la comptabilité que je le réglais. J'ai l'impression, non ? Ah oui, parce que j'ai jamais su, et je sais pas, et je le dis, mais parce que c'est la vérité, je ne sais toujours pas si l'actif et le passif, ça se fout à gauche ou à droite, dans la colonne des livres. Je sais rien. Je sais rien du tout. Qu'est-ce que vous avez appris quand même quelque chose ? Alors, ce que j'ai appris, pendant ces trois années-là, je vais vous le réciter, mais vous n'y reviendrez plus. Est réputé commerçant toute personne qui achète avec l'intention de revendre pour réaliser un bénéfice. Et c'est tout ce que j'ai retenu de trois ans d'études. L'essentiel, non ? C'est l'essentiel, c'était le principe. Oui. Ça, le principe, je l'ai en tête. Oui. Il m'est resté, mais comme un verre d'Hugo, vous comprenez? Je suis plein d'alexandrins, de Victor Hugo, de vers de Lamartine, de vers de Verlaine. Et ça, c'est la seule chose parce que j'ai trouvé que c'était bien balancé. Oui, c'est vous comprenez. Il y a du rythme. Toute y a personne des... qui achète avec l'intention de revendre, c'est qui achète avec l'intention de revendre. Il y a un balancement, réaliser un bénéfice. Pour réaliser un bénéfice. Et je pense que ça doit être toujours l'article 1 du code du commerce. Il n'y avait pas de raison que ça change. Et bien, est-ce que vous avez seulement conformé votre vie à ce principe? Ah non, absolument pas. Cependant, vous avez réalisé des bénéfices. J'ai réalisé des bénéfices, mais à mon insu. Ah bon? Oui, je veux dire que... C'est encore plus fort. Non, je vais vous expliquer très simplement pourquoi. À partir du moment où j'ai gagné de l'argent, j'ai compris une chose qui m'avait d'ailleurs toujours paru évidente, c'était que c'était fait pour être dépensé. Oui. Hein? Bon, donc l'argent que je gagnais, je me suis mis à le dépenser. Et comme j'en gagnais pas mal... et que j'en dépensais pas mal, j'ai quand même acheté des choses qui ont constitué quelque part un embryon de capital pour employer les vilains mots que j'ai chassés de mon vocabulaire. Vous voyez ? Bon, alors, je ne suis riche que de ces acquis-là. Oui. Je veux dire, je ne suis pas le gars qui surveille la bourse le matin et qui prend des sueurs froides quand ça plonge. Elles ont duré combien de temps, ces études ? Oh, ça a duré 3 ans. Ah oui, tout de même, oui. Oui, mais contre vents et marées, vaille que vaille. Après, c'était... Et puis, alors, je foutais rien. Je vous dis, le prof de commerce, on avait un prof de comptabilité, un prof de commerce. Le prof de commerce, j'avais conclu un gentleman agreement avec lui. Ah bon. Il me mettait 2 de moyenne et je m'engageais à lui foutre la paix. Et alors, moyenne, je vous donne ma parole, je vous le jure sur la vie de mes enfants, que je n'invente pas, que c'est vrai. Hein, il s'appelait Monsieur Faure, F-A-U-R-E, et Monsieur Faure me mettait 2 de moyenne. Je restais au fond de la classe et je lisais Fantomas et je faisais chier personne. J'étais heureux comme un pou. Je m'accommodais de mes 2 de moyenne. Je les compensais un peu en français parce qu'alors là, j'avais le premier prix. Ça me plaisait, quoi. C'est tout. À voix nue. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Frédéric Dard s'entretenait avec Jean-Louis Hésine. Réalisation Marie-André Armineau. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Frédéric Dard s'entretient avec Jean-Louis Hésine. Deuxième entretien. Et c'était qui les auteurs préférés de l'élève Frédéric Dard? Bon, alors bien sûr, je me goinfrais des Fantomas, de Leslie Chantry, Le Saint, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Maurice Leblanc, les premiers Maigret. J'ai fait l'inverse, j'ai commencé à lire des... Enfin, si on peut dire que Zola est un classique, disons... Oui, c'est quand même une forme de... Oui. Maintenant, hein, oui. Il est rangé dans la Pléiade aussi. Bon, alors je lisais Tolstoï, je lisais Stendhal, je lisais... qui lisais-je encore ? Flaubert. Et ça, j'ai toujours gardé, c'est marrant, j'ai toujours gardé une espèce de culte pour Madame Bovary, je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que j'ai eu un prof de français à l'époque qui a admirablement su nous parler de Flaubert et qui m'a foutu le virus, Flaubert, ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui vous font mousser le pied de veau davantage. Hein. Non, c'est d'accord. Eh bien, il a su me vendre Madame Bovary, ce prof, il s'appelait Bouffetier. Il s'appelait Clément Bouffetier, il était de Marseille. Et j'ai appris depuis qu'il est mort d'une maladie de rein. Et c'était un type merveilleux, très... Eh bien, donc, il m'a tellement bien vendu Madame Bovary que je lis périodiquement. Oui, tous les 3-4 ans, je reprends Madame Bovary et je retrouve cette espèce de bonheur, quoi. Flaubert, c'est le patron, un peu, non ? Pour vous aussi ? Non, pas particulièrement. Non, pour moi, le patron, si tu veux, c'est Céline. je veux dire le patron, c'est-à-dire l'homme qui dont la langue me paraît incontestable pour moi. Oui, oui. Hein, dans ce que sont mes aspirations, si tant est que j'en ai d'accrocher. Oui, oui, oui, oui. Bon, ben c'est ça, c'est Céline. C'est Céline qui m'a déclenché, vraiment déclenché. La petite musique. Oui. Bon, autrement, les autres, moi, je veux dire que je les admire. J'admire la maîtrise, j'admire le boulot, quoi. Mais je ne me roule pas par terre pourtant. Et je remarque, là, Céline, Zola sont aussi des écrivains qui ont eu des rapports conflictuels. Oui. Comment avec leur époque, hein? Oui. Pas les mêmes. Même si je veux dire que je préfère les conflits de Zola à ceux de Céline à ce moment-là. Quand on écrit J'accuse, quand on a les couilles de faire ça, ben c'est qu'on est on est un vrai monsieur, quoi. Mais... Oui, c'est curieux, c'est un drôle de destin. Il n'empêche, c'est quand même un type immense qui continue d'être lu. Tiens, j'ai vu le président Mitterrand en décembre, et il m'a dit qu'il venait de relire tout Zola. Ah bon ? Oui, c'est un scoop que je vous donne. Enfin, je ne veux pas dire que le fait que le président de la République lise Zola place Zola dans une espèce de peloton de tête des intellectuels de nos jours. Mais enfin, c'est quand même un signe, quoi. Oui, oui, oui. Il y a pas autant que de San Antonio, tout de même. Non, mais... ben là, alors, ils peuvent se lever tôt. Mais il y a tout de même, je crois, enfin, il doit y avoir 200 personnages... Ah ouais, c'est gigantesque. C'est ça aussi, cette complicité que vous avez avec Zola de... Non, bah sûrement pas. Enfin, j'ai des grands fleuves romanesques comme ça. J'ai aucune complicité, mais j'ai été quand même saisi par... je ne sais pas, je trouve que c'est un... Il y a quelque chose de... C'est monumental, Zola. Justement par les personnages, le fourmillement de personnages. Il attrape ça à bras-le-corps. Je veux dire que ses descriptions, tout ça, il a pas peur. Vous savez comment commence Le Ventre de Paris ? Et dans le désert de l'avenue, les voitures de maraîchers montaient vers Paris. Ça commence comme ça. il commence, c'est le désert, effectivement. C'est... Et puis, il a derrière tout son immense cirque de naturalistes qui suit son fabuleux barnum littéraire. Oui. Qui déboule, moi je trouve ça assez gigantesque. Vous dites que vous n'avez pas de complicité avec lui, mais tout de même. Écoutez, quand on restitue en fait tout le monde, je veux dire qu'on a absorbé des lectures, et puis bon, bah, ça ressort sous une autre forme, fatalement. Je sais pas, le lion c'est du mouton assimilé, n'importe quel écrivain c'est une assimilation des autres qui l'ont précédé. Oui, c'est ça. Pour revenir à cette idée là, d'écrivains qui ont été quand même pas tellement à l'aise dans leur époque, c'est une chose à laquelle vous êtes sensible, ça, non ? Vous allez plus facilement vers cela. Moi, je suis sensible, mais je vais vous dire, parce que je suis tellement, enfin, mais profondément épris de liberté, que je pense que la liberté est tellement importante qu'elle est irremplaçable, qu'elle prime tout, vous voyez, que rien ne peut l'assujettir, hein. Que cette idée que des écrivains qui sortaient des choses de leur âme et qu'ensuite on leur fasse payer ça, qu'on les brime, qu'on les foute en tôle, qu'on leur fasse des procès, je trouve ça monstrueux. Enfin, ça n'a pas de nom. Pour moi, c'est l'épouvante, ça me glace. Alors, j'éprouve une espèce de tendresse posthume pour eux, quelque part leur dire, par mon admiration, que je sais pas que je suis avec eux, quoi. Oui. On est parti très loin, là, de l'école de Lyon, d'école de commerce. Oui, mais parler, c'est partir, hein, oui, aussi, bien sûr. C'est comme le reste. Oui, c'est Queneau qui disait, parler, c'est marcher devant soi. Oui, ben c'est beau, c'est une très jolie définition, oui. Oui. Oui, alors, vous êtes allé où en sortant de l'école de Ben, j'ai de quitté Lyon, l'école pour faire, alors, du journalisme. Ah oui ? Oui. Alors, mais du journalisme, vraiment, pas par la petite porte, par la lucarne de la salle ah de bon bain. Hein, ah oui ? Oui, parce que j'avais un oncle qui était veilleur de nuit dans un garage. Et... Très modeste, mes origines, vous savez. Oui. Si, mais je m'en vante pas. C'est comme ça, quoi. Ben, bien sûr, oui. Et il avait parmi la clientèle de nuit le directeur d'un mensuel de Lyon qui s'appelait Marcel Granchet. Oui. Marcel Granchet est un homme qui a eu son heure de gloire en écrivant des romans drôles. Autre mamelle qui s'est présentée pour moi par la suite. Il écrivait entre autres Le charcutier de Machonville, des 5 de campagne, il avait eu le prix Courteline. Ah, oui, oui. Et donc, un jour, il lui a dit, écoutez, j'ai un neveu qui ne pense qu'à écrire, il peut pas se supporter à l'école. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait faire quelque chose? Et cet homme lui a dit, amenez-le-moi. Alors, je suis allé avec une disserte, hein, une disserte sur 10 pages. Hein. Sur quel thème? Je ne me rappelle plus. Très honnêtement, je ne peux pas vous inventer quelque chose. Osez vous en souvenir, osez. Non? Je sais que ça avait trait au voyage, enfin sur le dépaysement par le voyage. Oui. C'était quelque chose de très... Oui, enfin un peu... Très classique. Et alors, je lui ai porté ça. Un après-midi, accompagné de mon oncle et de mon père, présenté par parents. Hein. Ah oui, oui. Amis sérieux, ils s'étaient foutus sur leur 31. C'est un samedi après-midi, les bureaux du mensuel en question étaient fermés. C'était pas un grand journal. Oui. Hein. Et Granchet est arrivé. Et quel âge vous aviez? J'avais 16 ans. 16 ans. Oh, ben, oui, c'est des débuts précoces. Donc, oui. Oui, et alors il m'a regardé... Et puis je lui ai soumis ma petite compo fond. Il l'a lu, il en a lu, ça devait le faire tarter, il en a lu une demi-page, et puis il a dit, ah mais il n'y a pas de doute, ce garçon a un tempérament d'écrivain, mais ça se voit tout de suite. Mais oui, mais bien sûr, il est au moins en couleur comme ça. Ah oui. Et puis comme il faisait beaucoup de bons gueuletons, ça a été un chantre de la bonne chair, vous voyez. Ah oui, oui. Et alors, je crois que cet après-midi-là, il était beurré. Et j'ai même la certitude, paix à ses cendres, à mon cher Marcel. Oui. Et il a dit, oui, c'est un écrivain. Bon, ben, vous allez me le confier, j'en ferai quelque chose. Ah oui? Oui. Et alors, c'était la musique des anges, quoi, quand on jouait là. Il avait beau être dans le brouillard, écoutez, il avait quand même vu juste. Ah, ben, hein? Oui. Et alors, ça, je ne sais pas à quel mois c'était, au mois de juin, je crois. Et il a dit, bon, en septembre, il rentre, il va venir, etc. Et alors, quand j'y suis allé en septembre, je vais vous montrer qu'il n'était pas tellement dans le brouillard, il ne m'a pas reconnu. Il ne se rappelait plus. Ah oui? Oui. Et alors, je suis arrivé, il a dit, oui, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est moi. Mais il a été fair play. Il a dit, ah oui, mais bien sûr, Bon. Et alors, il m'a... Il y avait un petit bureau pour une secrétaire. Ça a dû être terrible pour vous, ça. Qui s'appelait Madame Petit. Oui. Et continue de me rappeler tout. Je l'embrasse si elle entend cette émission. Et on a mis, il y avait deux tables. Enfin, alors on a mis à ma disposition une table. Oui. Et alors j'étais devant cette table où je suis resté plusieurs jours. Alors regardez, je peux vous la raconter. Ah oui, faites. Je sais, mais vous voyez les écaillures qu'il y avait, elle avait été vernie, ça partait. Il y avait des clous qui avaient pour renforcer un pied qui faisait la malle. Regardais la table et j'avais rien à faire. Oui. Absolument rien. Et alors, moi comme je me plumais tellement, hein, Granchet fumait pas, il pouvait même pas m'envoyer acheter des cigarettes. Je me plumais, ça veut dire... Mais me barbais. Ah oui, d'accord, oui. Et alors, pardon, excusez. Et alors, au bout de quelques jours, j'ai pris mon courage à deux mains. C'est une bonne école, tout ça. Oui. Je sais, avec leur... Ne rien faire, oui, c'est très... Non, pas ne rien faire, mais je veux dire de vivre des moments comme ça, oui, qui sûr. Vous font... Vous comprenez, vous êtes là devant une table, vous dites, je vais faire du journalisme. Mmh. Puis on vous dit, bon, ben, mets-toi là, petit... Bon, puis on est là... Et il se passe rien. Et puis, nous étions bien convenus qu'il ne me payerait pas. C'était d'accord entre vous, c'était clair. C'était, oui, qu'il ne me payerait pas au début, qu'on verrait par la suite. Oui. Hein? Oui. Alors, tout allait pour bon, je n'étais pas payé, mais j'avais rien à faire. Je veux dire que c'était un beau marché, ça me tout honnête, en tout cas. Honnête, oui. Oui, tout à fait. Oui. Mais vrai. Et alors, je prends mon courage à deux mains, un matin, il valait mieux. Et puis, j'entre dans son bureau. Je lui dis, écoutez, monsieur Ganchet, si j'ai rien à faire. Je peux pas rester comme ça. Vous connaissiez la table par cœur. Je fais rien. Alors, il m'a dit, écoute, alors je te fais une proposition. Tu vas encaisser la publicité. Et alors, cette revue était basée simplement sur la pub. C'est-à-dire que c'est une très belle revue sur papier couché qui devait faire 120 pages. Même le papier était couché. Était couché aussi. Et alors, il y avait 110 pages de publicité et 10 pages de texte. Ah oui, d'accord, ce qui explique tout. Oui. Et alors, il y avait un monceau de publicité. Et pour Granchet faisait encaisser ça, plutôt que des recouvrements comme ça, parce qu'il fallait que quelqu'un ait le contact, parce que les types qui avaient souscrit une annonce, ils avaient fait ça dans un état second, au cours d'un gueuleton, d'un truc comme ça, et puis après ils s'étaient réveillés, et ils se rendaient bien compte qu'un journal qui tirait à 600 exemplaires, car la revue tirait on n'a jamais tiré à 1000. Ah bon? Oui. Et dont le texte se réduit à 10 pages sur 120, que c'était quand même pas l'affaire de leur vie, quoi. Et il fallait parlementer, donc. Il disait, mais quoi, cette publicité, etc. Alors, il m'avait appris le petit laïus à dire, alors j'avais ma petite serviette d'école qui enfin servait. Oui. Mais toujours dans le même domaine, alors vous qui sortiez dégoûté des écoles comptables. Oui, et j'avais des chiffres, j'avais des traites. Et alors, c'était des traites toujours, il y avait déjà des taxes à l'époque parce que c'était 40-40, vous voyez, 40 francs 40. Ah oui. Oui, il y avait 10% de je sais pas quoi, ou plutôt 1% de j'y perdais mon latin parce qu'il fallait après comptabiliser tout ça. Oui, oui. Je pourrais même vous dire des noms des types qui passaient ces annonces, là, des cycles, Mouchirou, des... Madame, il y avait... Mouchirou, oui. Mmh. Je crois que ça existe encore. Il y avait... Madame, ça ne doit plus exister parce que... Ça, c'est une jolie chose, je peux vous raconter. Mmh. C'était Madame... Attendez, un prénom, genre Madame Irma, mais moins bateau. Épilation définitive. Oui, c'était une dame qui épilait. Sa raison sociale, c'était d'épiler. Elle était épileuse, ce qui veut dire elle enlevait les poils. Je ne sais pas comment, avec une pince à sucre ou avec de la cire à cacheter, mais elle enlevait les poils, et je ne sais pas où elle les enlevait, mais elle enlevait les poils de ses contemporains, ou ses contemporaines peut-être. Et il m'a fallu quand même assez longtemps pour qu'on boive un bordel. Mais tout de suite... c'était pas le vrai bordif, mais c'était une dame qui... Bon. Et cette fille était brune, elle était ravissante, elle avait une gueule. Et je peux vous avouer une chose, j'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Cette dame, visiblement, me convoitait. Vous avez de la peine à le croire maintenant, parce que le temps est passé et a causé ses méfaits. Mais j'étais un petit blond, sympa, mignon, oui. Avec des langueurs et déjà du monde dans son futal. Et alors, j'avais vraiment, j'étais intimidé par cette dame. Sûrement. Elle me recevait, j'étais dans son antichambre. Je me souviens, c'était rue du Plat. À Lyon. Du Plat. Ah oui. Et puis, je lui présentais sa traite. Elle me disait, attendez là. Elle s'en allait, elle revenait, elle se mettait à me parler en me regardant. Ah oui. Et moi, ça s'arrêtait là, je bredouillais. Et j'avais une envie de lui sauter dessus. Mais mon pauvre ami, une envie de sauter, de m'emparer de cette personne, toute crue. Et je sentais qu'elle était réceptive et même qu'elle attendait quelque chose comme ça. Et j'osais pas, j'ai jamais osé. Et c'est un des regrets, si elle vit toujours, elle a 100 ans, bien sûr. Alors donc, maintenant, on est fort clos. Mais vraiment, ça a été un moment de grande... Cet encaissement des traites... Et en plus, elle vous payait, oui. Elle me payait, enfin, elle payait le journal. Elle me donnait 10 sous. Et alors, il m'arrivait, comme j'étais pas payé... et que de temps en temps j'avais des tentations, il m'arrivait d'offrir un café crème aux petites filles sur les traites que j'encaissais. Il y avait des dépassements. Et je dois dire que Granchet était assez chouette. Il disait, mais c'est pas juste là, il manque un... Je dis, ben oui, oui, j'ai eu quelques petits frais de tramway. Et alors là, il a compris qu'il fallait quand même me donner une mensualité. Oui. Alors il m'a donné 200 balles. Ah oui. Oui. Et moi, j'imagine que votre carrière journalistique ne s'est pas arrêtée là. Non, alors, au bout d'un certain temps encore, j'avais mis 3 jours pour lui demander de me mettre en activité. Au bout de 3 mois de traite, je lui ai dit, mais écoutez, moi j'aimerais bien écrire, je suis venu ici pour écrire. Alors il m'a dit, bon ben tu me fais un petit papier d'humeur. Il suffisait de protester, puis il a bon, parce qu'il comprenait, c'est un type bien. Il pigeait tout, le père Marcel, c'est un type assez fabuleux. Et alors il me disait, bon ben tu m'écris ce que tu veux. Et je me souviens que le premier article que j'ai écrit, je l'ai écrit à propos d'une petite charrette à âne qui promenait les gosses sur la place Bellecour, qui est la plus grande place de Lyon. Il y avait une petite charrette à âne avec un vieux bonhomme qui mettait. J'ai fait une espèce de. J'ai écrit 20 lignes là-dessus. J'ai demandé au bonhomme comment s'appelait l'âne. J'ai un personnage ignoré de Lyon, tout le monde passe devant. On ne sait pas son nom, c'est pas sa vie. J'ai écrit 20 lignes sur un âne, c'est comme ça que ma carrière a commencé. Je vous jure, tout est vrai. Il s'appelait comment ? Je crois que c'était un truc comme Marion. Et quels autres sujets avez-vous traité ensuite alors dans votre... Très rapidement, je suis arrivé à faire la rubrique cinéma. Alors ça me plaisait. Ouais. Mais c'était la guerre déjà, non ? Vous aviez ça ? Non, c'était pas encore la guerre. Ouais. Non, c'était ça, je vous parle, c'est en 38. Ah oui, 38. Oui, c'était Munich, Daladier. Tout ça, Chamberlain. Donc, il me faisait faire la critique des films, ce qui est assez marrant là-bas. Et j'encaissais toujours mes traites, hein, je les encaissais pendant des années. Des années, hein, j'encaissais les traites. Ouais. Et ça m'a fait connaître Lyon, ça. Ah oui ? Ah oui, parce que sauf exception, bon, quand c'était très loin, je prenais le tramway. Autrement, c'était à Pincebrock, hein, je faisais tout. À pied, quoi. Et alors... Je composais, alors j'allais à une projection de film, et ça, j'adorais. Ah, cette ambiance, c'était au Gaumont, en général, ou Tivoli, il y avait des présentations, alors, et j'ai vu sortir les visiteurs du soir, des trucs assez étonnants, quoi. À la guerre, vous avez 20 ans, hein, vous avez eu 20 ans pendant la guerre, en 41, je crois. J'avais 18 ans, oui. Oui, oui. Comment l'avez-vous vécu ? Qu'est-ce que vous êtes devenu, là ? Bien, justement, le journal s'est arrêté de paraître quand la guerre a été jugée perdue, quoi. Ce qui a été vite fait. Ça a été la stupeur, et marqué par un sursaut, je vais vous dire. J'étais avec des copains, et on nous annonce que les Allemands se pointaient. Que, bon, ils étaient à Chalon-sur-Saône, etc. Et avec des amis, on a eu... une réaction. On est allé au bureau de recrutement. Oui. Et nous avons dit, nous voulons nous engager en ville. Parce qu'il nous est apparu, je crois, on était trois potes. Impossible de laisser passer ça comme ça. Oui. C'est un sursaut de patriotisme, mais spontané. Je crois qu'on était les fils des poilus de 14, vous voyez. Et bon, disons-le, il en restait quelque chose. Je veux dire, on était élevés, c'est plus comme maintenant où on se fout de tout. Oui. La patrie, c'était quelque chose. Vous voyez, moi, je savais, j'avais des vers à la Déroulède que des copains de mon père avaient composés dans les tranchées, etc. Et que je pourrais encore vous réciter. Oui. Vous voyez. On a eu sursaut, on est arrivé au bureau de recrutement, et je me souviens, il y avait un énorme adjudant, un type obèse. Alors lui, il ne devait pas pouvoir se barrer, c'est pour ça qu'il était encore là. Alors que tout le monde se taillait, et on lui dit, on veut s'engager. Et il nous dit, en roulant les airs, il nous dit, mais pauvres gosses, vous n'y pensez pas, les Allemands arrivent, ils sont... Alors, il dit, mais alors justement, mais non, mais foutez le camp. Alors on a dit, ah bon, alors on a foutu le camp. Alors nous avons pris des vélos, nos bicyclettes, on a dit au revoir à nos parents, Mon père était déjà parti parce que lui travaillait dans une usine, alors il avait été évacué sur Toulouse. Mmh. Puis j'ai dit à ma mère, il faut que je parte. Puis ma mère, elle dit, ah oui, partez. Bon, alors on a foutu le camp. C'était, je me souviens, en fin de journée. Hein, on a traversé Vienne, on a continué. Il y avait une immense descente. Et devant nous, alors si vous aviez vu cette cohorte de réfugiés, c'était terrible. Il y avait presque pas de voitures. Les voitures étaient déjà loin, avaient foutu le camp. Mais il y avait encore des vélos. Alors nous, à vélo, avec tout un tas de types, c'était le Tour de France, quoi, si j'ose dire. Un pauvre Tour de France de l'Exode. Sans maillot jaune. Et il y avait un je vois toujours, il y a un gars qui était juste devant moi, qui descendait cette descente. Il est tombé et il s'est tué. C'était, en somme, mon premier mort de la guerre. Alors, j'ai dit à mes potes, j'ai écouté... C'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Si. Et alors, ils me disent, tu crois Alors, ils me disent, on va voir demain. C'était la nuit, on n'avait pas de feu, rien du tout. Alors, on demande, il y avait une poussière d'armée qui traînait encore par là. Alors, on dit, où est-ce qu'on peut dormir? Ils nous disent, à l'école. C'était dans un bled qui s'appelle Faisin, où il y a maintenant tous les... Vous savez, ces trucs qui explosent de temps en temps. Oui. On va dormir dans cette école. Et il y avait c'était une populace. Mais quelle horreur! Quand on quitte sa chambre de jeune homme et qu'on se trouve sur un plancher d'école, dont on a foutu les bureaux de côté, vous voyez, avec des mecs qui font des incongruités. Alors moi, le lendemain, j'ai dit, les mecs, moi, je remonte. Je dis, vous continuez si vous voulez, moi, je peux pas. Et alors, c'était très marrant parce que, si j'ose dire, parce que quand on remontait la vallée du Rhône sur le Lyon, il y avait les derniers fuyards, si j'ose dire. Hein, que nous croisions, et qui nous disaient, non mais ça va pas la tête, foutez le camp, ils sont dans Lyon, ils sont à Lyon, ils arrivent, Nous on continuait, et puis à un moment donné, j'ai un de mes copains, je me souviens, qui s'appelait André Rollet, et qui se retourne, il dit, les voilà. Et je peux pas vous décrire l'impression que vous avez quand vous voyez les premiers Allemands. Ils avaient une mitraillette dans les mains. Ils avaient des gueules. C'était alors à l'époque c'était du pur fruit. Hein. Avec les mecs et ils avaient des gueules. C'était la découpe comme sur les affiches. Hein. Géométrique. On aurait dit un dessin de grand-mère. Vous voyez. C'était mais terrifiant. C'était des robots. C'était des martiens. Et c'est très curieux parce que jusqu'à Lyon on n'a pas vu d'autres. Ce qui prouve que ces mecs étaient vachement gonflés. Ils étaient seuls. Donc, pas belliqueux du tout. On arrive dans Lyon et nous sommes arrivés, si j'ose dire, en même temps que ces messieurs. Alors, là, ça grouillait. Hein. Et c'est passé la chose suivante. Je vais chez moi, ma mère était partie. Elle devait aller chez ma grand-mère à la campagne. Bon, elle avait dû filer de justesse la veille. Et nous sommes allés chez un autre de mes copains qui est mort depuis. Qui s'appelait Baffy, j'aime bien dire les noms, et dont les parents étaient des gens assez huppés. Ils avaient un très bel appartement, très, très, très smart. Enfin, il était riche, quoi, par rapport à moi, c'est un fils de riche. Alors, nous nous sommes terrés dans cet appartement, mais ce qui s'appelle terré, on avait les chocottes, tu vois, des Allemands. Et comme on était des garnements, quoi, qu'est-ce qu'on a foutu? On s'est saoulé la gueule. On n'avait plus les parents, c'était la première fois. Le soir, enfin en fin de journée, on se dit, on va quand même sortir, parce que l'appartement était en dehors. Il était où se trouve la Part-Dieu maintenant, enfin dans cette région. On va dans le centre de Lyon, et puis ça grouillait d'Allemands qui ne demandaient rien à personne. Quoi, qui disaient. Et alors, sur la place de la République, il y avait un orchestre allemand, hein, mais alors là, en grande tenue, hein. Avec des brandebourgs, des machins rouges, des trucs à sonnailles, vous savez, le côté, le machin, le nazi, des oriflammes, des trucs. Et ce qui était curieux, c'est que personne n'assistait au concert. Ah oui? Ça a été le début de l'Occup, quoi. Alors, vous l'avez faite? Non. Comment, si je l'ai faite au point de vue soldat? Non, parce que j'ai un bras esquinté et que j'ai été réformé. J'ai un bras esquinté de naissance, oui. Le bras gauche, ça vient d'un accouchement raté. Ah oui? Heureusement, le principal a été sauvé. Le bras droit. On a sauvé le cerveau. Vous avez commencé à écrire à cette époque? Ah, mais j'écrivais déjà. Oui. Bah oui, j'écrivais. Mais San Antonio n'était pas né encore. San Antonio n'était pas né. Non, non, non, j'y pensais pas du tout. J'avais déjà des bouquins de publiés. Ah oui, oui. Ah, c'était quoi le premier bouquin publié? Le tout premier bouquin, c'était. C'est un bouquin. Enfin, c'est plutôt une plaquette. Hein. Une espèce de petit roman, partiellement autobiographique, comme toujours quand on commence à écrire. Et même après, quand on est un vieux con. C'était une chose qui s'appelait la peu chère. Peu chère de l'exclamation méridionale, peu chère. Et c'était l'histoire d'une femme que j'avais connue. C'était une femme qui était mystique. Et son mysticisme était tellement exacerbé, tellement fort, qu'il finissait par devenir contagieux. Ah oui. Alors, elle m'avait foutu dans le cigare que je devais me faire prêtre. Elle est passée un petit peu à côté. Cette femme m'a beaucoup impressionné tout de même. J'aime les personnages. Tu comprends, il n'y a pas de mystère. Au début d'une carrière, quand tu songes à écrire, tu prends les matériaux dont tu disposes et j'en ai fait un livre. Et ce bouquin, je l'ai passé en feuilleton dans un journal qui s'appelait L'Écho de Savoie. Et j'ai demandé à l'imprimeur de me garder le plomb à l'époque. Et puis avec un peu d'argent que ma grand-mère m'a donné, je l'ai fait imprimer. Tu vois, et je l'ai, il m'en reste un exemplaire. C'est un compte d'auteur. Oui, c'est un compte d'auteur. C'est toujours comme ça que ça commence en général, tu sais. Et alors, j'ai imprimé cette peu chère. Elle s'est imprimée sur deux colonnes et ça doit faire 30 pages, enfin. Tu vois, écrit très serré, quoi. C'est la composition qui avait servi pour le journal, quoi. Et puis après, alors, j'ai écrit un autre livre qui, lui, a été publié et qui a même eu un prix, le prix de la ville de Lyon. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Frédéric Dard s'entretenait avec Jean-Louis Hésine. Réalisation Marie-André Arminot. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Frédéric Dard s'entretient avec Jean-Louis Hésine. Troisième entretien. Combien de San Antonio déjà a publié à ce jour-là? Le dernier vient de paraître. Ben, je crois que ça doit, nous allons... Ça baigne dans le béton. Oui, ça, 135 San Antonio, des petits formats, plus des gros San Antonio, j'en ai fait 11. 135 plus 11, donc. Plus 11. ça fait 146. 146, S'il m'est resté encore des choses de la Martinière. Ben oui. Ça fait 146. On va mettre le comptable un peu à contribution. Oui, là, 146. Nombre total d'exemplaires vendus, si vous savez ça. Alors, je crois qu'on doit avoir dépassé 1,5 million, hein, dans ces eaux-là. Hein. Comment ? 1 million, 150 millions. Non, je parle en ancien franc. D'accord. 150 millions, pardon. 150 millions, d'accord. Oui. Tirage de chaque nouveauté. Mais ça ne se pose pas en ces termes. Je veux dire que chaque livre attire à 600 000. Bon. D'accord. Tous les bouquins. Non, chaque bouquin, parce que l'ordinateur que tu vois là, c'est celui de mon beau-père qui tient la comptabilité de tout ça. Lui, il a fait un répertoire, tu vois, et qui m'a donné et il m'a montré que tous les bouquins tirent à 600 000, tu vois. Bon. Il y en a, comme l'histoire de France, qui en tire à plus d'un million. On ne sait plus comment appeler ça, d'ailleurs. Je suis en train de chercher un mot, mais je ne le trouve pas. Mais pour qualifier quoi? Cette réussite phénoménale. Bah, c'est une réussite, quoi. Alors, j'aimerais qu'on revienne à la source. Alors, comment il est né, ce personnage? Le tout premier, donc, il a été publié en 49, hein, c'était Réglez-lui son compte, oui, oui. Justement. Et c'est un compte, d'ailleurs, qui ne cesse plus d'être réglé depuis. Hein? Non, heureusement. C'est vous qui en avez eu l'idée? Comment? Ah ben oui, bien sûr. C'est tout ce que j'ai pondu, c'est moi qui en ai eu l'idée, c'est moi qui l'écris. Hein. Bon. Alors ça, que mettons-nous bien d'accord là-dessus. Ah oui, là-dessus. Non, mais il n'y a pas... Non, parce que je veux dire qu'il y a des mecs qui font un peu faire le ménage par d'autres. Oui. Je ne voudrais pas qu'il y ait confusion. Ce qu'on appelle les nègres. Non, mais ça, on sait. Ah non, ben ça, alors, c'est une chose... Il n'y a jamais eu cette ambiguïté à votre propos. Non, heureusement, mais enfin... Mais revenons alors à l'origine de cette aventure. C'est prodigieux, ça, quand même. Ben, ça s'est passé? Comment c'est né? Oh, c'est né grâce à un gros bonhomme qui était aussi un brave type. J'avais écrit, moi j'essayais de venir sur Paris, ça c'était après la Libé, après la Libération. Alors je t'achète de monter à Paris, et j'avais des copains qui déjà avaient fait leur trou, là. Et un de mes amis qui s'appelle, que vous devez connaître, qu'on connaît, qui, ben, c'est un très bon écrivain, un bon scénariste, il s'appelle Jacques Robert. Oui. Bon, on s'était connus à Lyon, et il était devenu, je sais pas, peut-être pas rédacteur en chef, enfin il avait un poste important dans un journal qui s'appelait Samedi Soir, à Paris. Et un jour, je lui ai envoyé j'avais écrit une nouvelle policière, à la manière de Peter Chenet. Un passé, parce que Peter Chenet était vraiment, tenait le haut du pavé à l'époque, c'était... Alors je lui ai envoyé cette nouvelle, il l'a publiée, et un imprimeur-éditeur de Lyon, un bon gros bonhomme, qui avait les éditions, tiens-toi bien, du Puits Pelu. Faut le faire. Du Puits Pelu. Le Puits Pelu. D'accord. Et c'est marrant parce que j'y pensais la nuit dernière, au cours d'une brève insomnie. Je me disais, mais d'où vient ce Puits Pelu? Pourquoi n'ai-je jamais demandé? Oui. Ou si j'ai demandé, j'ai dû l'oublier, mais je sais pas pourquoi Puits Pelu. C'était au fond d'une impasse assez modeste, assez miséreuse. Dans les traboules. Oui, enfin, et il était là-dedans, cet imprimeur, avec son épouse qui était charmante. Et je le connaissais comme ça, il me dit, j'ai lu ta nouvelle dans Samedi Soir, là. Il me dit, tu sais que c'est rudement bien, que ça ferait une série de livres, tu voudrais pas m'écrire une série? Oh, comment n'aurais-je pas voulu? C'était mon rêve. Oui. Mon rêve, c'était, je me disais, si au moins je pouvais publier un livre par an, que ça soit sûr, je ferais n'importe quoi en supplément. Oui. Et vraiment prêt à tout, mais pourvu qu'on me commande. Avoir un livre en commande. C'est ce que vous continuez de faire, d'ailleurs. Vous en publiez un par an et trois en supplément. C'est à peu près ça. Quatre en supplément. Mais j'en fais cinq maintenant. Oui. Je lui dis, mais oui, bien sûr. Et je me fous au charbon, je me mets au boulot. Et puis, je cherche un nom de... Enfin, consonance anglaise. Je prends un atlas américain et je choisis San Antonio. Cherchant un mot, enfin... typiquement américain, Ah oui. Spring Valley ou je sais pas quoi. Ah non, oui, d'accord. Signé. Et je suis fasciné par San Antonio. San Antonio, oui. Alors, je le signe San Antonio. Si bien que vous auriez pu aussi bien vous appeler Niagara Falls. Ah, ou, mais tout à fait. ou je sais pas, Nashville. Tucson, je sais pas quoi. Tucson, Arizona, oui, ça vous aurait bien été. Ça. Et alors, j'ai signé San Antonio. Je lui ai donné ce bouquin, ce Chérop. Il a fait une édition fabuleuse pour l'époque, cartonnée, tout ça. Oui. Et il s'est planté misérablement, vraiment. Qui, le bouquin? Le bouquin, donc l'éditeur. il en a vendu 500. Il avait tiré à 3000. Oui. Il en a vendu à peine 500, même pas 500, je crois 375, un truc comme ça, un chiffre dérisoire. Oui. Et il a soldé le reste, passage du Caire... à Paris, le premier San Antonio, qui maintenant, tenez-vous bien, j'ai reçu un truc, un ami m'a envoyé la cote des bouquins policiers, anciens. L'Argus se termine par « La Palme revient au premier San Antonio, qui est coté 3000 francs ». C'est-à-dire que ce bouquin soldé, si les mecs, au lieu de l'avoir gardé, ça vaut 3000 francs. Enfin, ça vaut... J'ai reçu cet Argus il y a 4 ou 5 ans. Oui, oui, oui. Alors, oui. La cote a dû monter encore, je suppose. Oui, oui. Mais c'est quand même... La vie est assez drôle, oui, je trouve. Oui, oui. C'est l'histoire du petit machin dossier, ça, que je retrouve. Oui. C'est le fauteuil dossier. Mais vous en faites beaucoup, Frédéric. On vous demande une série, et puis finalement, c'est plus une série, comment on pourrait, c'est une rafle, depuis. Ben, j'écris. J'ai me goinfre d'écriture, parce que j'aime ça. Et tenez-vous bien, dès que j'ai fini d'écrire, je pense à la suite de ce que j'écris, bien sûr, mais aussi à la suite de ce que j'écrirai après. Ah oui? Oui. Je suis, je sais pas, je touche du bois, mais cette boulimie, c'est ce qui me tient, c'est ce qui a tout fait, quoi. J'ai tellement envie d'écrire que j'ai pas eu envie jamais ni de me saouler la gueule, ni de me droguer, ni de faire des... Moi, je trouve que, je sais pas, le travail et l'amour, il y a que ça. Travailler et baiser, ce sont les deux pôles de l'existence d'un homme digne de ce nom, à mon avis. Ouais. Je le dis peut-être crûment, mais vous laissez un blanc. Mais au début de cette carrière-là, je suppose qu'il y avait une connotation alimentaire dans Ah bah évidemment. Non, c'était... Comment expliquer alors cette... Il n'y a plus de nécessité, veux dire. Au contraire, il y aurait dû y avoir un phénomène de lassitude, la réussite est revenue. Mais ce phénomène de lassitude, qui d'ailleurs n'est pas un phénomène, mais une chose normale à mon avis, il s'est produit. Je veux dire, j'ai traversé des grosses crises, ne croyez pas, en 30 ans de sans-antonisme. Oui. Bien sûr, j'ai traversé des périodes de déprime, j'ai des périodes de doute, je l'ai en permanence. Alors, Ah oui, je suis un type qui doute, mais enfin, ça, c'est une autre histoire, je ne veux pas faire d'introspection. Bien sûr que je me suis remis en question, bien sûr que j'ai été tenté d'arrêter. J'ai même annoncé un jour, je me rappelle, un jour dans François, si on recherchait les collections de François, on verrait annoncer que j'arrête San Antonio, il y a 22 ans de ça. Peut-être. Ah oui? Oui. Oui. Mais c'était une espèce de chantage, quoi, de ma part. Ah oui? C'était pas, je ne le pensais pas. C'était un chantage que j'exerçais sur quelqu'un. Sur le public? Ah non? Non, pas sur le public. Bah non, le public, je n'ai pas exercé un chantage sur mes lecteurs. Non, mais vous avez essayé là, de faire monter la... Non. Ah non, ne m'apprêtez pas de ces... Ah, non, je ne suis pas machiavélique. Non, je suis un type tout d'un bloc. Enfin, tourmenté, mais même pas dans ce sens-là. Non. Non, mais maintenant, je veux dire, avec cette réussite exceptionnelle, bon... C'est vrai que vous pourriez prendre la pause, comme on dit, ou faire la pause. Oui, mais faire la pause, ça veut dire devenir une espèce de chose écroulée, quoi. Mais comment non, vous pourriez faire comme tout le monde, un roman tous les 2 ans. Mais ça, moi, je suis pas fait pour écrire un roman tous les 2 ans. Qu'est-ce que je ferais dans l'intervalle? Si j'écrivais un bouquin tous les 2 ans, qu'est-ce que j'écrirais dans l'intervalle? Parce que je peux pas écrire un livre pendant 2 ans. Oui. Pendant ça, vous pouvez 2 mois. Non, moi, je suis un type d'un jaillissement. C'est comme l'amour, ça jaillit. Mais par exemple, c'est comme ça, moi je peux pas. San Antonio, mais Frédéric. Alors Flaubert, mon admiration s'arrête là. 7 ans pour Madame Bovary, ça me paraît pas possible. Vous comprenez? Oui. Mettre une virgule le matin quand on aime bien tourner et 2 mots dans les moments de haute tension, ça me paraît quand même pas possible. Oui. Mais j'écris vite, j'écris. Parce que c'est comme ça, ça vient comme ça. Il ne faut pas contrarier sa nature. Il y a un personnage auquel vous avez peut-être renoncé provisoirement, je ne sais pas, c'est Beru. Beru, il a disparu, il est revenu. Non, il n'a pas disparu, il est un petit peu en réserve de la République, quoi. Il est, ah bon? Je l'ai mis parce que... Il fait une cure d'amaigrissement quelque part. Je m'en suis tellement servi. Oui. Il a été tellement à toutes les sauces, je l'ai mis dans toutes les situations. Ah, il en avait sur son veston. Y compris, oui. Et je l'ai même fait ministre à un moment donné. J'ai tout fait de Beru. Ça, c'était une ouverture. Je veux dire que... Et comme j'essaye de ne pas être monté sur boucle, vous voyez. Oui. Alors, je le mets un petit peu en veilleuse. J'attends qu'il vienne pour... Mais il n'est jamais loin. Il est dans tous les San Antonio, plus ou moins. Oui. Parce que ça se passe autrement, parce qu'il y a d'autres personnages qui me tarabustent. Il y a une chose qui est étonnante avec vous, c'est que vous faites gros, mais dans la finesse. Je ne sais pas si on peut dire si vous faites gros dans la finesse ou vous faites très fin dans le grossier. Il y a un paradoxe étonnant. Oui, je ne sais pas, on peut les deux, les deux formules, l'une et l'autre se valent ou se vaut. Je crois qu'il y en a une qui les dépasse, c'était ce que disait Jean Cocteau. Je crois qu'il a dit, San Antonio, c'est de l'écriture en relief. Un aveugle pourrait le lire avec la peau des doigts. Oui, hein, oui, c'est une belle formule. Vous écrivez pour les aveugles, d'une certaine manière pour les... Moi, j'ai écrit tout azimut. J'ai écrit pour les intellos, j'ai écrit pour les manards, pour les étudiants, pour les femmes seules. On ne cible pas un public. Si on se dit, je vais écrire pour les curés, bon, bah, on fait la vie de Bernadette. Mais autrement, vous comprenez, si on écrit pour les médecins, on fait l'histoire de la chaude pisse à travers les âges. Mais si on veut écrire pour je sais pas, pour tout le monde, on va pas se mettre à penser à telle ou telle catégorie. Je veux dire, j'écris ce qui me vient. J'écris avec l'intention, premièrement, de divertir, avant tout, de divertir. Parce que ça commence par ça. Ne jamais emmerder les gens. Essayez toujours de les promener. De divertir, certes, mais... ou de vous divertir Les deux. Oui. Bah, le divertissement commence par moi. Si je ne me divertis pas en écrivant, pourquoi les autres se divertiraient-ils? Pas du tout. Je suis mon test, mon propre test. Il y a des savants qui s'inoculent le sérum qu'ils viennent de découvrir pour en voir les effets. Bon, ben moi, je m'inocule le Saint-Antonio en premier. Je regarde d'abord si ça marche. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, selon moi. Alors donc, j'écris pour divertir, j'écris par besoin, j'écris par goût des mots, par soif des mots, par soif des personnages, parce que j'aime écrire des personnages. Écrire des personnages, en fabriquer, en inventer. Oui, et je pensais en vous... En proposant, enfin, à propos du divertissement que vous vous offrez en l'écrivant, à une chose étrange que vous avez dite un jour... Vous avez dit, je n'ai jamais pu vraiment me passionner pour la vie. Oui, mais vous savez, il faut se méfier des déclarations qu'on fait, parce que ce sont des déclarations d'un moment. C'est comme, je ne sais pas, même à la rigueur des options politiques, je veux dire, on peut avoir des instants de séduction pour une idée, pour un homme, et puis ce n'est pas pour ça qu'on est son prisonnier, le prisonnier d'une idée, le prisonnier d'un homme. Et encore moins le prisonnier d'une déclaration qu'on a faite. Je veux dire que quelque part, il subsiste de ce que j'ai dit là, certainement, une espèce de, comment dire, de mélancolie viscérale que j'aurais traînée toute ma vie et qui s'atténue au moment où je vieillis. Elle s'atténue. Je veux dire qu'il y a cette espèce de grâce fabuleuse qui fait que je me sens beaucoup mieux dans ma peau à 60 ans qu'à 20 ans. Mais c'est curieux, vous avez eu le mot juste, la mélancolie. C'est un sentiment qu'on ressent en lisant Vincent Antonio, parfois. Oui, parce que, à partir du moment où j'écris... Derrière une certaine jubilation des mots... Oui, mais bien entendu, je crois qu'en fait, je suis un nostalgique, je suis un mélanco, quoi. C'est comme ça, je vois les choses un petit peu... pas sous leurs mauvais jours, mais enfin telles qu'elles sont, je crois. C'est de la lucidité. Je ne me raconte pas d'histoire, c'est à moi. Oui, oui. De ce côté-là. Mais je suis frappé par la noirceur de ce qui nous entoure, de la vie, quoi. Oui. Parce qu'elle est noire, parce qu'elle finit mal. Parce que c'est quand même pas tellement joli, joli. Est-ce que vous aimez vos contemporains? Ah oui. Ou votre époque? Il faut bien que je la subisse. J'en fais partie et elle me fait. Nous sommes dans la même galère tous. Alors j'aime la galère et j'aime ceux qui se trouvent dedans. J'aime les rameurs, mes co-rameurs. Ce qui ne m'empêche pas de leur trouver des gueules sinistres par moment et d'avoir envie de les houspiller. Mais les houspiller, je ne suis pas un moraliste. Je veux dire que les houspiller, c'est me houspiller moi-même. Je veux dire que c'est la dérision de notre condition, la dérision de nos ambitions médiocres, minables, qui m'énervent par moments, qui me fait m'ébrouer et les secouer. Nous secouer, pour essayer d'en sortir un petit peu. Et quels sont vos motifs d'indignation, je dirais, les plus exaltés? Ah, moi, c'est l'injustice. Ah oui? Sous toutes ses formes. Je veux dire que, de même que, pour moi, ma nécessité première, c'est la liberté. L'injustice, elle est son contraire, je veux dire. Alors, je suis évidemment indigné. Toujours, constamment indigné. Je veux dire que, il y a certaines gens, je ne dirais pas de nom, bien que je les ai à l'esprit, qui partent en guerre systématiquement. Ils se sont composés une attitude qui consiste à être les croisés. voyez, de causes comme ça. Bon. Alors, on se bat pour les Kanaks. Bon, ils le méritent. Je ne dis pas le contraire. Mais on se bat pour tout, vous comprenez? On se bat pour les Arabes houspillés, et grand Dieu, j'en ai adopté un. Alors, je ne peux pas dire mieux. Hein. Je n'ai pas à témoigner. Bon, donc je suis acquis à cette cause. Mais je veux dire, c'est tellement systématique et ça revient tout, que ça perde son efficacité. Oui. Pour moi, ce n'est pas comme ça, guerroyer. Guerroyer, c'est au moment où, brusquement, il y a « Ah, merde !» C'est pas chercher la cause à défendre. C'est quand elle se présente, la prendre et la brandir. Alors ce commissaire-là, San Antonio, il a bien dû changer entre 1949 et 1988. Ah oui, qu'est-ce qui a changé en lui? Alors là, je suis incapable de vous le dire. Si, je peux vous faire la réponse, la vraie. Ce qui a changé en lui, c'est moi. Vous comprenez? Mon évolution, fatalement, bon gré mal gré, bien que j'ai la volonté de le maintenir dans son personnage, de ne pas le faire vieillir trop, bon gré mal gré, il fait péter la cangue, vous voyez. Il explose. Et il se nourrit de mon sang. Alors, il prend, je sais pas, toutes les scories de mon sang, ou ce qui, je sais pas, toutes mes idées, tout ce qui fait que je suis plus le même individu. Je n'ai tout à fait le même, mais tout à fait un autre, quoi. Mais différent. Alors donc, il a dû devenir différent, puisqu'il est sincère. Si ça avait été une marionnette créée une fois pour toutes, comme il en existe, et je dirais encore une fois pas de nom, etc., mais qui ne bouge pas, parce que l'auteur elle a décidé qu'il ne bougeait pas, elle le fabrique. Moi, je ne le fabrique pas, je le vis. Ça paraît con, mais je vis, mais San Antonio. Je les vis totalement, je suis investi dedans, complètement et de plus en plus. Et c'est même une espèce de griserie. Et c'est parce que je suis comme ça que San Antonio est un personnage qu'on doit pouvoir suivre. Moi, je ne le fais pas. Jamais j'irai lire comme ça. Quelle horreur. Ça risquerait de me faire débander, quoi. Il vous arrive d'en relire des anciens? Non, jamais. Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais je relis rien de ce que j'écris. Non, je vais de l'avant, trier, foutre à la poubelle, faire ce que vous voulez. J'en ponge. Comme ça, je secoue le prunier, il faut qu'il tombe des prunes. Quand il tombera plus rien, il tombera des branches mortes et... Finito. Frédéric Dard, vous qui n'aviez connu que les bords du Rhône à Lyon, sur lesquels vous avez beaucoup rêvé, comment êtes-vous arrivé au bord de cet autre fleuve, le fleuve Noir, j'entends, et comment a commencé cette aventure? Ben, c'était une aventure en ce sens que, évidemment, ça n'a pas été prémédité. Et j'ai jamais envoyé de bouquin directement au fleuve Noir. Et ça s'est passé de la façon suivante. Je lâche tout un jour. Je viens à Paris pour faire comme les copains. Tout le monde était... C'était la période où Lyon était absolument déserté par tout ce qui était journaliste, artiste. Il y avait eu le rush sur Paris. Bon, et moi, en 49, c'est-à-dire avec 4 ans de retard, je me pointe. Et c'était le moment où au contraire, tout commençait à se déglinguer, quoi. Il y avait eu l'euphorie de la Libé, avec des journaux qui étaient créés en surnombre. Et j'arrive au moment où ils étaient en train de mourir. Alors, je cherche à me placer dans le journalisme. Je trouve rien. J'écris. Ma femme me dit, t'avais écrit un San Antonio, tu devrais... écrire un deuxième. Je lui dis, mais je l'ai, le deuxième, puisque on devait faire une série. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que personne n'en veut, ça n'a pas marché le premier, bon. Et parallèlement, il y avait un monsieur qui s'appelle toujours monsieur Armand de Caro, qui allait devenir jouer un rôle prépondérant dans ma vie et qui continue de le jouer d'ailleurs. Et Armand de Caro venait de fonder le Fleuve Noir. Il constituait une écurie. Il avait trouvé Jean Bruce, qui était absolument inconnu. Hein. Il avait un second auteur qui était Michel Audiard, qui écrivait des bouquins qui s'appelaient « Méfiez-vous des blondes », enfin, trucs comme ça. Et il cherchait désespérément, quoi, des gars nouveaux pour fonder sa boîte. Et un jour, il était chez un soldeur qui venait de recevoir les San Antonio invendus. Et lui, il voit ce bouquin, il l'attrape, il dit au soldeur, je t'en pique un, il rentre chez lui et il lit ça. Brusquement, il fait tilt, il se dit, mais voilà ce qu'il me faut, et pas du tout rebuté par le fait que ça avait été soldé, il cherche l'auteur. Bon, Ça, c'est le premier volet. Le second volet, moi, pilant la dalle à Paris, ayant faim, ça se voit plus maintenant, mais ça a été vrai, avec des gosses qui se levaient la nuit en disant « moi, j'ai faim », j'ai connu ça, sans blague. Ce qui est un moment absolument atroce, je vous rassure, je les ai alimentés quand même, tant bien que mal, mais nous y sommes parvenus. Et un jour, donc, je rencontre un copain qui s'appelait Gilbert Sigaud, et qui était un très bon écrivain. Il écrit beaucoup sur Simenon. Vraiment, il a fait l'apologie de Simenon pendant toute sa vie. Il avait eu le coup de foudre. Et Gilbert, qui est un Lyonnais, qui a une franc-maçonnerie lyonnaise, me dit, mais qu'est-ce que tu fous? Je lui dis, je fais pitié, quoi. Il me dit, mais tu voudrais quoi? Je lui dis, écoute, j'ai un manuscrit. Si tu veux, je te le donne. Et il porte ce manuscrit au fleuve Noir. C'est ce qui est une rencontre absolument fabuleuse. Il me dit, je connais un mec qui est en train de lancer une boîte et qui cherche des manuscrits. Oui, il me dit d'abord, est-ce que tu as quelque chose? C'est là que je pense à mon Santo numéro 2 que je m'étais remis dans la culotte en me disant, j'en ferai jamais rien. Et il me dit, envoie-le-moi. Alors, je donne mon manuscrit à Gilbert. Et puis, deux jours après, Sigaud me téléphone. Il me dit, mais il te cherche, là-bas. Je dis, comment il me cherche? Il me dit, Armand Caro, le directeur, te cherche. Je lui ai apporté le livre qu'il cherchait, parce que, et il me raconte cette histoire. Alors donc, ça pouvait pas mieux cadrer. Je veux dire que c'est quand même un rêve, hein, de chercher un éditeur, de chercher un auteur, et que les deux se trouvent dans ces conditions-là. Oui. Alors, tout de suite, Armand Caro, immédiatement, m'a signé un contrat, mais immédiatement. Donc, c'était là, il m'a dit, bon, je vous prends ce livre, mais il faut m'en écrire d'autres, il faut m'assurer une production, on peut rien faire s'il n'y a pas une périodicité, il faut pas me faire un livre de temps en temps, je veux que ça tombe, bon. Alors, je lui dis, ben, écoutez, moi, je ferai tout ce que vous voudrez, tu parles prêt à tout, quoi. Et il me dit, bon, ben, allons-y. Et on a commencé à faire Santonio, premier tirage, 7000, tu vois. Bon, je lui en donne un second. Tirage 12 000. Les 12 000 se sont vendus. J'ai enfin un troisième, 15 000. Pof. Et alors, ça baignait, quoi. Et puis, comme j'avais d'autres activités, j'avais des pièces de théâtre, l'adaptation. Vous avez adapté Simenon aussi. Oui, l'adaptation de La Neige était sale que j'avais fait. On crée cette adaptation au théâtre de l'œuvre. Et c'est un boom, un succès, etc. Et brusquement, je me mets à gagner des picaillons par le théâtre. Tu vois? Et moi, je me suis dit, mais c'est ça ma vraie... Le théâtre? Oui. Dans l'immédiat, j'ai vu que ça rapporte le théâtre. Bien que j'ai la part du pauvre, étant donné que j'étais l'adaptateur de Simenon qui s'était réservé la part du lion. Les droits, c'est 12%. Je crois que je touchais 4%, un tiers, quoi. Pour m'être appuyé beaucoup. Enfin, bref, c'était lui l'auteur, après tout, de La Neige. Et... moi, j'arrête la production de San Antonio. Et je suis relancé par Armand Caro, qui me dit, mais il faut m'en donner, etc. Je dis, mais écoutez, moi, ça va mieux. Tu sais, je commence à... pas à rouler, c'est pas mon genre, mais à dire, oh non, merde, je suis pas fait pour ça. Disais, c'est pas mon genre, vous lui avez dit? Pas mon genre? Oui, je disais, oh non, non, franchement, tu sais... Quelque ça va un moment, quoi, ne plaisantons pas. Et alors, ça a été une période assez floue, comme ça. Et puis, il m'est arrivé une chose merveilleuse, c'est que après La Neige était sale, dont la carrière a duré une bonne année, j'ai fait une autre adaptation, l'adaptation de Jésus Lacaille, de Francis Caro. Ah oui. Et là, ça a été autre succès. Et moi, alors, de temps en temps, je faisais un Santonio en me disant, bon, quand même, j'avais du temps, tu vois. Alors, je faisais un Santonio. Mais c'était pas la production dont rêvait Armand Caro. Et puis, je refais donc un succès avec Jésus Lacaille. Je fais une troisième adaptation, L'Homme traqué de Francis Carco. Et là, je me ramasse une gamelle. Mais alors que moi, je croyais que ça baignait, que j'étais le petit génie du théâtre, qu'il suffisait que je prenne n'importe quoi, que je le dialogue et que ça allait faire un tube. Et puis, pas du tout, je me suis ramassé d'une façon sinistrose. Une gamelle vide, alors. Ah oui, tout à fait vide. Et il y avait je me souviens toujours, le du Figaro, dont le dessin était fait par Senep à l'époque, par Faisan. Et Senep avait représenté Francis Carco avec le col de son parti relevé, rasant les murs, et mettant l'auteur traqué par son adaptateur. Très dur, ça. Ah, c'était... Moi, j'ai, mais alors, franchement, j'ai fait une flinguer. Enfin, en tout cas, je voulais retourner à Lyon. J'ai dit, merde, je me suis fourvoyé, je suis pas fait. Parce que je suis tellement dépressif, je suis tellement facile à démolir que ce dessin, ça m'a foutu en l'air. Et alors, je suis allé pleurer, j'avais besoin de... Je suis allé chialer dans le giron d'Armand Caro avec ce dessin, lui disant, ma vie est finie. Et c'est là que ça a été le tournant du match pour moi. Grâce à lui, il m'a dit, écoutez, moi, je vais vous dire, hein, le théâtre, c'est bien joli. Vous pouvez faire encore des pièces si ça vous fait plaisir, je vais pas vous en empêcher. Mais il me dit, mais vous réussissez quelque chose, tout le monde m'en demande, on veut des San Antonio, on veut, vous avez de l'or. Il me dit, je vous promets qu'un jour vous tirerez à 50 000. Moi je dis, oh, allons donc, tu vois. Et puis, il me dit, si, on va marcher comme ça. Et alors, je sais pas, tu vois, comme j'étais meurtri, je me suis mis à faire ça vraiment consciencieusement. J'ai toujours été consciencieux quand j'écrivais, j'ai toujours fait ce que j'ai pu, de bon mieux. Mais je veux dire, avec une fréquence de parution. Mmh. Et les choses se sont enroulées, et c'est allé très vite. Et l'année d'après, on tire à 50 000. Mmh. Tu vois, et 2 ans après, on tire à 125. Dites-moi, Frédéric Dard, vous voyez tout de même que vos études comptables vous ont tout de même servi à quelque chose, parce que vous parlez de pourcentage, de tirage, de chiffres. Oui, enfin, c'est quand même assez élémentaire. Je vais dire 12%, on sait, tout le monde, ou presque. Non, mais c'est important pour vous, apparemment. Vous avez même la mémoire de cette époque. C'est important. Des chiffres de cette époque. Oui, enfin, parce que quand on tient le diable par la queue, hein, comme je l'ai fait, quand on traverse une période de mouscaille de cette envergure, on s'intéresse quand même au rapport, on cherche des sources de revenus à se stabiliser. J'avais envie de faire des choses, d'aider mes parents, Ah bon, rassurez-moi, vous n'êtes pas un homme vénal. Non, pas du tout, non. Enfin, je le suis peut-être, dans un certain sens, pourquoi pas. Mais enfin, je ne pense pas l'être démesurément, en tout cas. Et alors, je me suis mis à bosser. C'est comme ça que San Antonio, en quelques années, a gagné un très, très large public. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Frédéric Dard s'entretenait avec Jean-Louis Hésine. Réalisation Marie-André Arminot. Ces 3 premiers volets de la série d'À voix nue consacrée à Frédéric Dard par Jean-Louis Hésine ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 10, 11 et 12 octobre 1988. À suivre. Rappelons que les éditions Omnibus viennent de publier sous le titre « Roman de la nuit » 7 titres signés Frédéric Dard. Des romans qui n'ont pas San Antonio pour héros. San Antonio, lui, il est dans la collection bouquins Robert Laffont.